بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله تعالى اليوم سنحاول أن نخوض ثلاث مسائل جديدة من هذه المسائل التي تتعلق بأفكار أهل الجاهلية. ويسير aujourd'hui de prendre cinq ou plutôt trois nouvelles مسائل parmi ces مسائل des gens de la جاهلية. Donc là, aujourd'hui, ça va être Al-Khamisa, Al-Sadisa, wa Inch'Allah, Al-Sabi'a. Aqala Al-Mu'allifu, Rahimahullah Ta'ala. Al-Masalatu Al-Khamisa, Al-Ihtijaj, Bima'aliyi Al-Akthar, Dun Nazar, Il-Mustanadi. Donc là, c'est le fait qu'ils prennent comme argument la majorité, sans regarder sur quoi se base cette majorité. C'est-à-dire, c'est sur quoi sont la plupart des gens. قال المؤلف إن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغرباته وقلة أهله فأتاهم بالضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. Donc il dit, ça c'est parmi leurs plus grandes règles. Qu'ils se font tromper par le grand nombre, par la majorité. Et ils prennent cela comme argument pour rendre une chose valide ou la rendre fausse. C'est-à-dire, ce sur quoi il y a plus de gens. Et également, ils se basent sur l'étrangeté d'une chose ou son... l'étrangeté d'une chose, on va dire sa marginalité, se basant sur la minorité de ceux qui s'y trouvent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans différents versets du Coran, a démontré la fausseté de cette parole, de cette argumentation. فقال الشارح العمل العلم الفوزان حفظه الله تعالى من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون بالأكثرين على الحق ويستدلون بالأقلين على غير الحق فما كان عليه الأكثر عندهم فهو الحق وما كان عليه الأقل فهو غير الحق هذا والميزان عندهم في معرفة الحق من الباطل. ومثل مسائل الجاهلية que se base sur la majorité pour savoir quelle est la vérité. Que la vérité n'est forcément que ce sur quoi se trouve le plus grand nombre. Et également la minorité, c'est le contraire. C'est ça la balance pour eux. قَالَ وَهَذَا خَطَرْ لِنَ اللَّهُ عَزَى وَجَلْ يَقُولْ وَإِنْ تُطِيَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنْ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Et cela est une erreur, cela est faux, car Allah dans le Coran dit dans le sens, et que si jamais tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils te détourneront du sentier d'Allah et ne suivent que les conjectures et ne font qu'inventer. وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et cependant, la plupart des gens ne savent pas. وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Et nous avons trouvé que la plupart d'entre eux étaient des pervers. Et autres parmi les versets. La balance, le point de retour sur une chose n'est pas la majorité ou la minorité, pour savoir où est la vérité. Il se peut que la majorité soit sur le faux et que la minorité soit sur le vrai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on constate que la plupart des gens, comme les prophètes versés, sont sur le faux, de toute façon. Les koufars sont plus nombreux que les muslimines. Et parmi les muslimines, les mubtadi'as sont plus nombreux que les gens de la sunna. Et bien parmi les gens de la sunna, les droits vraiment et mustaqimun qui sont sur la sunna, et qui sont vraiment sur la science, ce genre de choses, sont encore plus une minorité, et ainsi de suite. Et qui est à la tête des gens de la sunna, les savants. Les savants, combien sont-ils? Une minorité infime. Donc c'est pour ça que les ulama, comme le shir le dit, يقولون الحق لا يعرف برجال وإنما يعرف رجال بالحق. Il dit que la vérité, on ne la connaît pas par les hommes, mais cependant, on connaît les hommes par la vérité. هذا كلام حق. Une parole véridique. Que la vérité n'est pas connue par les hommes, mais c'est par rapport aux hommes qu'on connaît la vérité. Et je me rappelle d'une parole de Cheikh Salim al-Hilali, wafakahullahu ta'ala, lorsqu'il nous a visité à Dammaj, il avait été interrogé sur ceux qui mettaient en garde contre les personnes de la Salafia, ou Rel Zalika, ou ceux qui vantaient les gens de la Salafia. Il a dit, awalain, avant de vanter un tel ou un tel, pour savoir qui est sur la Salafia et qui ne l'est pas, il faut d'abord que toi-même tu connaisses qu'est-ce que la Salafia réellement. Et ça, c'est une parole véridique. Il y a beaucoup, beaucoup s'expriment sur le sujet et en réalité, ils ne connaissent même pas les fondements. Ils ne connaissent même pas les points de retour. Ils ne connaissent même pas les vertus. Ils ne connaissent même pas les mérites. Juste, la salafia, c'est devenu pour eux suivre Cheikh Foulen, c'est ça la salafia. Si tu n'es pas Cheikh Foulen, c'est que tu n'es pas un salafi. Et que si jamais tu t'interposes à Cheikh Foulen ou tu contestes ses paroles, tu n'es pas un salafi. Donc ça, ces gens-là, on n'appelle pas ça un salafi, on appelle ça... Cette personne-là mérite qu'on lui attribue le nom de cette personne qui suit. Comme les mazahib, la même chose. Et comme je le dis, wallah, plus j'avance dans ce livre, en le relisant, et puis je me rends compte que beaucoup des hizbis sont basés sur les mêmes choubouettes que les gens de la Jahiliya, sur beaucoup de points. Sur le fait du taklid, de suivre leurs individus. Sur le fait de regarder que la majorité, qui sont les plus nombreux. Qui est le fait de regarder qui sont les plus forts. Qui est le fait de regarder ou de revenir de se servir des gens de l'État lorsqu'ils n'ont plus d'argumentation. Et les alikas. Également de regarder sur quoi sont les grands, comme eux aiment le dire, les grands, les anciens. Que dans l'absolu. Voilà Moustahan. Et parmi les choses aussi qui démontrent que cette compréhension elle est fausse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a bien dit que les gens du feu sont combien? Sont 999 sur 1000. Comme a dit le hadith Abi Saïd, Mimafkour, Al-Muttafkoun Ali, Hina Makale Allah Azawajal Adam, Akhlij, Barth El-Nar. فقال وما بعث النار قال من 1999 parce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé a dit à Adam de sortir le bath du nar du feu. Il dit c'est quoi le bath du nar? Il a dit sur 1000 hommes 999, c'est à dire que un homme sur 1000 entrera au Jannah. Et cela surpris les musulmans, ils ont eu peur, ils ont dit mais qui sommes-nous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, réjouissez-vous, car Ya'juj et Ma'juj représente 1000 hommes, un d'entre vous. Il leur a dit à la fin que vous n'êtes, vous, par rapport aux gens du shirk, j'espère que vous soyez la moitié des gens du Jannah, car vous n'êtes, vous, comparé aux gens du shirk, que comme un poil blanc sur, un taureau noir. Ou un poil noir sur un taureau rouge. Quand on dit rouge, qui vient vers le marron. Donc regardez bien. Qu'est-ce que représentent les gens de la vérité et de l'hymen par rapport aux gens du faux? Allez voir un taureau noir ou un bœuf noir, tout noir. Et cherchez un poil blanc sur lui. Les gens de la vérité et de la croyance représentent cela par rapport aux autres communautés. Donc est-ce que c'est basé sur la majorité est une preuve? Sûrement pas. Et cette majorité, c'est le concept exactement sur lequel se base la démocratie qui est un tarout. Ta main à main. C'est la majorité l'emporte. C'est la même chose. Et la démocratie, c'est un tarout qui s'oppose à la charia. Donc ce concept, ce procédé est pris des gens de la jahiliya. Et combien de hadiths sont venus, comme le hadith d'Ibn Abbas, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ulidat ilayya al-umam. فرأيت النبي معه الرجل والنبي معه رجلان والنبي معه رحت والنبي ليس معه أحد. Il dit j'ai vu les communautés m'ont exposé et j'ai vu le prophète avec une seule personne, c'est-à-dire qu'il le suivait. J'ai vu le prophète avec deux personnes, j'ai vu le prophète avec un petit groupe et j'ai vu le prophète avec personne qui le suivait. Donc si le fait de suivre la majorité était une preuve, c'est-à-dire que certains prophètes seraient sur le faux. هذا لازم قولهم. C'est ce qu'appliquent leurs paroles. Et aujourd'hui, les gens de la vérité sont considérés comme étant des ghuraba, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bada din ghariban wa siyaud ghariba fatouba li ghuraba. Que la religion, elle a commencé étrange et elle finira étrange. Et quelle bonne nouvelle, ou dans le sens, touba li ghuraba, pour les étrangers. Et elle est vraie, car des gens s'apparentent ce hadith, se l'approprient, et en réalité ne rentrent pas dedans. Car eux-mêmes, dans leur conception des choses, suivent la majorité. Chez certains salafis, tu les vois suivre le plus grand groupe de la salafia. Ou ce qu'ils imaginent comme étant faisant partie de la salafia. Mathalan. Et ce n'est pas le cas. Et combien vraiment passons sur l'al-ghurba, sur l'étrangeté aux yeux des gens? Combien? Beaucoup, tu les vois être à la base sur la vérité, et le jour où il y a une vérité qui vient pour discerner entre le vrai et le faux, tu les vois suivre la majorité par peur de se retrouver tout seul. Donc c'est le ghurba, tu ne la supportais pas, ça veut dire. Tu as peur de te retrouver tout seul, c'est sûr que la solitude, ce n'est pas facile, mais quitte sur le compte de ta religion et de la vérité, c'est-à-dire que tu n'es pas un ghalib. Le ghalib, il patiente, il supporte la chose. Lillahi azza wa jil, wa Allah yuwaffiquhu ala dhalika. Et à la fin, il dit, لكن إذا كانت الكثرة على الصواب فهذا طيب جدا. ولكن الله عز وجل قال أن الكثرة تكون الباطل يعني في الغالب. كما قال تعالى, وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. Donc, par contre, maintenant, si la majorité se trouve sur la vérité, alors ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne majorité. Si le plus grand nombre se trouve sur la vérité, alors c'est une bonne chose, on peut s'en vanter. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas ça. C'est le contraire. Comme encore la ta'ala file dans le sens. Et la plupart des gens, même si tu fais attention, et même si tu prends soin à les appeler, la plupart des gens ne sont pas croyants. La plupart des gens ne sont pas croyants. Donc là, c'était là. Masala al-Khamisa qui se base sur la majorité pour savoir qui est la vérité. Le plus grand nombre. Thumma qala, al-Masalatu al-Sadisa. Al-Ihtijaj bima alayhi al-Aqdamun dun al-Nazar ila al-Mustanadi. Donc le sixième point de la Majahiliya, c'est qu'il se base sur ce quoi sont les anciens, c'est-à-dire leurs ancêtres. Ne pas confondre avec les salafs. Eux, ils parlent de leurs ancêtres. D'accord? Sans regarder sur quoi cela se base. قال الاحتجاج بالمتقدمين كقوله تعالى قال بما بال القرون الأولى قال فما بال القرون الأولى وقوله تعالى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Donc ils disent quoi? Alors dans le sens où il dit et qu'en est-il donc des premières générations? C'est-à-dire Pharaon a dit cela à Moussa alayhi salam. Quand lorsque Moussa est venu, avec son message, Pharaon a dit comment ça, les anciens sur quoi ils étaient alors? Surtout dans l'égarement, comparé à tout ce que tu dis toi aujourd'hui. Et la parole de Allah dans le sens où il dit, et nous n'avons jamais entendu cela de nos premiers pères. Donc là, attention, ne pas prendre la chose sous un mauvais angle. Là, ça ne parle pas des salafs. Là, il parle sur quoi étaient les anciens, de leur lignée. Bien évidemment. Alors que nous, les salafs, ne sont pas de notre lignée pour la plupart d'entre nous. Ce sont les salafs, comme un yuqal, as-salaf, as-salih, les plus prédécesseurs. C'est-à-dire que le mot pieux. Et en plus de cela, il a bien dit, d'un nazar, il est mustanadi. Sans regarder sur quoi ils sont. Alors que nous, dans le Coran, Allah a les inventés. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, les a inventés. Donc c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas les salafs pour notre lignée parce que ce sont nos anciens, ou nos pères, ou les alikas. On les suit parce que c'était les gens les plus amenés à comprendre la religion. Parmi eux, ceux qui ont accompagné le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, ceux qui ont vu ceux qui ont accompagné le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, ceux qui ont accompagné le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a déjà fait l'éloge de ces gens-là dans plusieurs hadiths. Donc là, on a un mustanad. On a une preuve par rapport à cela. Et eux, c'est quoi leur base au salaf? C'est le kitab ou le sunnah. Ce qui est la base de la religion. Naam. Faqala Sheikh al-Fawzan, hafizallahu ta'ala, fi sharh adil faqra. Iza ja'atum al-rusul bil-haq, ihtajju bi-aba'ihim. Fa'inna Musa al-salam, lama da'a fi l'hon ila l'iman, ihtajja fi l'hon bima'ali al-awwaloun. Faqala, fama bel, l'kuroun al-oula. Donc il dit, justement, ces gens-là, de la jahiliya, lorsque le messager leur venait, ils argumentaient avec ce sur quoi se trouvait leur père. C'est-à-dire que ce messager vivait une chose nouvelle. Comme ce fut le cas de Pharaon, alayhissalam, avec Moussa. Donc ça, c'est une hujja de la jahiliya. Une façon d'argumenter des gens de la jahiliya. Également, lorsque Nuh appela son peuple, qu'allahu azza wa jal, ma hadha illa basharun mislukum yuridu yatafaddalu alaykum wa law sha'a Allah lanzala malaikatan wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin. Qu'est-ce qu'ils ont dit, le peuple de Nuh, lorsqu'il est venu les voir, alayhi salam? Ils ont dit, Allah dans le sens, il dit d'eux, et il n'est qu'un être humain comme vous. Il veut juste avoir le dessus sur vous. Et que si Allah avait voulu, il aurait fait descendre un ange. Et nous n'avons pas entendu cela chez nos pères anciens. Donc comment ils ont rejeté le message de Nuh alayhi salam? Par la même shubuhat. C'est sur quoi était leur père. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ قُرَيْشِ قَالُوا مَا سَمِيَنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلِحْتِلَاقِ. Ils ont dit quoi, Quraysh, à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Nous n'avons jamais entendu cela dans les communautés précédentes. Et lorsqu'ils disent dernière communauté, c'est-à-dire celle de leur père. Donc comment ils ont démenti le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous prétexte que sa parole s'opposait à ce sur quoi était leur père? وَقَالَ النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam اُتْرُكُوا مَا يَقُولُوا أَبَاؤُكُمْ. Délaissez ce que disent vos pères, c'est-à-dire vos pères qui étaient sur le kufr, sur le shirk. Délaissez cela et venez avec le tawhid et l'iman. Et aujourd'hui, même chez les koufars, tu le vois, beaucoup de gens, tu leur dis, tu les appelles à l'islam et dis non, moi je suis chrétien, je reste chrétien, c'est la religion de mes parents. Comme si, sur la religion des parents, c'était ça qu'il fallait faire. C'est-à-dire que Allah agrée que tu restes sur quoi étaient tes parents. Et comme on l'a dit, et si tes parents étaient sur le faux, tu vas rester sur le faux avec eux jusqu'à la mort? S'ils rentrent au Jahannam, tu veux rentrer avec eux au Jahannam? Alors que Yom al-Qiyamah, ils vont tous se désavouer les uns des autres. Yom al-Qiyamah, ils vont tous se désavouer les uns des autres. Les pères des fils, les fils des pères, les frères des frères, les mères des fils, les filles, ainsi de suite. Tous ceux qui sont sur le faux, comme dans le Coran, Allah l'a bien dit, ils vont se désavouer les uns des autres. Wal'a'adhu billah. Donc aujourd'hui, le shirk, c'est que même les gens de la bid'a ont les mêmes argumentations. Les gens du Mawlid, il faut le Mawlid et le Nabawi. C'est quoi leur argumentation? C'est la même chose. Il dit tout le monde le fait. Et nos pères le faisaient. Donc le fait de se baser sur ce qu'ont été les anciens, ce n'est pas un argument. Si cela s'oppose, voyez, à ce à quoi a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car les gens, comme on les chire, yurti'oun ou yusibun, ils ont raison, ils peuvent avoir tort. Mouwalhaq wa fid dalil. Qala ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa huwa sawab qat'an. C'est la vérité pure, tranchante. Fal wajib ittiba'uhu. Ce qui est obligatoire, c'est de le suivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas chargé de suivre ce sur quoi étaient nos pères. Ouais, les alika. Naam. Donc là, c'était le khurasa de la masala sadisa, qui est de revenir aux anciens. Wa nukmil bi al-masalati sabi'a. Par le septième point. Le masala de la jahiliya, wa huwa al-istidlal bima alayhi al-quwwati bi'annahu huwa al-haq. Qu'ils argumentent du fait que ce sur quoi se trouvent les gens de la force, les gens forts, c'est ça la vérité. فقال المؤلف رحمه الله تعالى والاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه فرد الله ذلك بقول الله عز وجل فرد الله ذلك بقوله تعالى ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه. Donc, eux, ils prennent également comme preuve que la vérité se trouve avec les gens qui ont eu la force, la compréhension et les œuvres dans les royaumes, dans les biens et dans les rangs. Que c'est forcément ces gens-là qui ont raison. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cette parole où il est dans le sens que certes nous avons instauré, c'est-à-dire sur terre, et nous leur avons donné ce que nous n'avons pas donné à vous. C'est-à-dire les peuples antérieurs qui ont été détruits par la suite. وقالوا تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. Et il dit, Allah dans le sens en parlant de Bani Israël, alors qu'auparavant ils avaient le dessus sur les koufars, le Bani Israël. Mais lorsque il leur est parvenu ce qu'ils savaient, ils ont mécru. Donc leur force ne leur a servi à rien. وقالوا تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Et ils le connaissent, c'est-à-dire le livre, le Coran, la vérité, comme ils connaissent leur fils. C'est une chose qui est claire pour eux. Et pourtant, cela ne leur a pas suffi à accepter la vérité. فَقَالَ الشَّارِحُ الْعَلَامَةُ الْفَوْزَانِ حَفِظَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْفَقْرَةِ مِنْ مَسَائِلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّهُمْ يَسْتَدِلُّونَ أَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَقْوِيَّةُ مِنَ النَّاسِ هُوَ أَصْحَابُ الْجَاهِ وَأَصْحَابُ الذَّكَاءِ إِنَّهُ هُوَ الْحَقُّ. Qu'ils argumentent que ce sur quoi se trouvent les gens forts, les gens qui ont des hauts rangs et les gens de l'intelligence, c'est cela la vérité. Donc eux, c'est justement une des normes Pour connaître la vérité, c'est regarder sur quoi? Sur les gens qui sont forts. Alors que ce sur quoi se trouvent les faibles et les pauvres, pour eux, ce n'est pas considéré. Pour eux, cela est faux. Et aujourd'hui, cette choubouhat est fortement présente chez les gens de l'islam. Sur quoi? Qu'ils sont impressionnés par ce sur quoi ce sont les koufars, de ce que Allah SWT leur a accordé. Allah sayyatiba, inshallah. Donc le shir dit, هذا الضابط باطل فإن الله عز وجل أخبر عن الأمم السابقة أنها كانت على قوة. Donc là c'est une norme qui est fausse, car Allah SWT a déjà démontré sur quoi étaient les communautés antérieures comme force. Tout ce qu'il leur a accordé. Et malgré cela, ils ont été détruits. Comme a dit Ta'ala, وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي فريقين خيرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّ. Lorsque nos versets clairs sont récités, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, qui donc est le plus endroit ou qui est de meilleure situation, c'est-à-dire les mécréants disent cela aux croyants. Qui parmi nous deux, entre nous et vous, sont les meilleurs? Regardez bien ce que nous on a, ce que vous avez. Donc Allah Ta'ala, رَدَّنَ عَلَيْهِمْ وَكَمْ أَحْلَكَنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيَّ. Donc Allah leur a répondu dans le sens où il dit, et combien avons-nous détruit avant eux de générations qui étaient de meilleure situation. وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Il dit, et ne parcourez-vous donc pas sur terre afin de regarder comment fut la rétribution de ceux d'avant vous, qui étaient bien plus forts que vous, ou qui étaient bien plus forts qu'eux, et que rien n'était en mesure d'affaiblir Allah dans les cieux et dans la terre. Et il est certes omniscient et omnipotent. وَقَالَ تَعَالَى وَكَمْ أَهْلَكَنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطَشًا. Et combien avons-nous détruit de générations qui étaient pourtant plus forts qu'eux? Donc ces versets démontrent bien que la force n'est pas un argument. Même le nombre n'est pas un argument. L'intelligence n'est pas un argument. Le rang des gens n'est pas un argument. وَبَيِّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ يُعْطِي الْكُفَّارَ مِنْ أَجْلِ اسْتِدْرَاجِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ قَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc Allah a bien démontré qu'il donne aux mécréants pour leur istidraj, c'est le fait de les prendre au fur et à mesure. كَمَا قَالَ. Dans le sens où il dit, et lorsqu'ils ont oublié ce qu'on leur a rappelé, c'est-à-dire les mécréants, nous leur avons ouvert les portes de toutes choses. À tel point qu'ils en furent réjouis. Puis, nous les avons soudainement pris. C'est-à-dire, lors de leur réjouissance, ils ont été saisis, soudainement, par le châtiment. Alors qu'ils ont été désespérés. Et là, ils furent détruits. Donc, regardez bien comment Allah subhanahu wa ta'ala fait avec les kuffars. Wa qala ta'ala, فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Il dit donc, laisse-moi avec ceux qui démentent. Qui démentent ces paroles-là, c'est le Coran. Nous allons les prendre par étapes, nous ne s'y attendons pas. Et je le fais que leur accorde un délai. Et certes, mon stratagème est grand. C'est-à-dire que Allah SWT, là, les koufars, il leur accorde ce qu'ils veulent pour pouvoir mieux le saisir par la suite. Donc il leur a donné quoi? La puissance, les biens, le pouvoir, beaucoup d'autorité, les industries, les inventions. Tout ce que tu vois, les koufars, sur quoi ils sont aujourd'hui. Mais est-ce que cela démontre qu'ils sont sur la vérité? Est-ce que cela démontre que Allah les agrée et les aime? Cela c'est mimbeb et l'istidraj seulement, qui les prend par étapes. Afin que, justement, se réjouissent de ce qu'ils ont et qu'ils rajoutent dans le péché, afin qu'ils puissent mieux les saisir par la suite. On a fait une muhadara là-dessus. Le fait de ne pas être ébloui par les richesses des koufars. Car des gens pensent cela. Quand ils voient les koufars, ils sont impressionnés. Ils disent, comment nous, on est comme ça, et eux, ils sont comme cela. Allah leur a tout donné. C'est qu'ils ont raison, c'est qu'ils ont compris, nous, on n'a pas compris. Et ça, c'est une erreur. Nous, ce qu'on n'a pas compris, c'est pas l'intelligence ou la puissance ou la majorité. Ce qu'on n'a pas compris, c'est le tawhid. Malheureusement, comme il se doit. Ce qu'on n'a pas compris, c'est l'istiqama, comme il se doit. Quand on aura bien compris le tawhid, l'istiqama et tiba'a sunna, Allah nous donnera mieux que ces gens-là. Il nous l'a promis dans son livre. Mais comme on n'a pas compris cela, il en résulte aujourd'hui quoi? Ce genre de choses. À cause de notre ignorance, de nos péchés, de nos innovations, notre éloignement du kitab de la sunna, Allah nous a éprouvé par quoi? Par l'affaiblissement devant nos ennemis. Wal'a'adhu billah. Donc se baser sur ce genre de choses n'est pas un argument. Regardez la force des gens, leur intelligence et leurs alikats. Combien de gens sont intelligents, cultivés, leur intelligence ne leur servira rien du tout, ce n'est qu'un sort d'orgueil devant Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens Allah a fait d'eux des scientifiques, des docteurs et autres savants, je parle dans le sens de la dunya, et ils en sont arrivés au stade de renier le Créateur. Ils en sont arrivés au stade de dire qu'on descend d'un primate, d'un singe. Et autres parmi leur déduction stupide. Donc est-ce que leur intelligence et leur force leur servent à quelque chose? C'est istidraj, ils ne font que se guérir avec. Pour exemple, pour ceux qui pensent que forcément l'intelligence et la science, s'il n'est pas sur la vérité, est une preuve, les Banu Israël, comme quand les chiens font le kitab. Banu Israël, a'tahumullahu fahman wa ilma, wa kanu ya'lifuna min sifati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alladhi سيبحث في آخر الزمان. Que Bani Israël, ils avaient quoi? Allah leur a donné une compréhension et une science. Qu'ils savaient, ils avaient les caractéristiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait arriver. Et cependant, lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont refusé. Et Allah disait d'eux, وَكَانُوا مِنْ قَبْلْ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Alors qu'avant, ils avaient le dessus sur ceux qui m'y croyaient. C'est-à-dire qu'ils avaient la force aussi. Mais cependant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, à quoi leur a servi leur science et leur compréhension et leur force? Cela n'a été qu'un argument contre eux, car ils n'ont pas accepté. Pourquoi? Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu des leurs. Donc c'est leur hasad, leur jalousie et leur orgueil qui leur ont empêché d'accepter. Et aujourd'hui, wallah, on voit des gens, ils ont les mêmes sifats. Tu les vois, ils ont la science, ils ont une compréhension, ils ont un rang, ils ont un grand nombre de suiveurs. Et lorsque la vérité ne vient pas de chez eux, ils la refusent. Ils veulent se l'approprier pour eux et combattre les gens de la vérité s'ils ne sont pas avec eux. On le voit ça, chez des gens de science, chez des prédicateurs. Ils n'acceptent pas que, autre que eux, ça ressemble au sifat des Bani Israël. Et des preuves leur sont parvenues, ils les ont refusées. Pourquoi? Par hasad, par orgueil, par jalousie. Ces mêmes sifats-là, on les trouve aujourd'hui chez des gens qui s'apparentent à la vérité. C'est pour cela que prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit le shir, « Kana yuksir min al-kool, ya mukallab al-kuloub » وَالْأَبْصَرْ ثَبِتْ قَلْبِي أَلَى دِينِكَ. Il dit, oh, toi qui retournes les cœurs et les regards, les visions, raffermis mon cœur sur ta religion. Faites beaucoup ce dua, car des gens bien plus hauts, des gens bien plus savants, des gens bien plus instruits, des gens bien plus intelligents que beaucoup des musulmans aujourd'hui se sont retournés. Pourquoi? Pour une chose que Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans leur cœur. Donc ça, c'est une ibra pour nous. Donc faire attention aussi à cette règle qui s'applique chez les gens. On suivit un tel ou les grands, enfin savants, ou je sais qui, je sais quoi. Et quand tu regardes bien leurs grands savants, c'est un cercle fermé qui se limite à quelques individus. C'est tout. Ce n'est pas les grands savants comme ils veulent le faire croire. Ou comme les gens peuvent le penser. Les grands savants ne sont pas limités à quatre personnes, à un même lieu précis. Tu peux en avoir un là-bas, un là-bas, un là-bas. Donc là, c'était les quatre masaïls. Les trois masaïls qu'on a pris aujourd'hui, c'était les trois masaïls qu'on a pris aujourd'hui, qui sont qu'ils se basent sur la majorité pour pouvoir établir une vérité. Que pour la vérité, ne se trouve qu'avec la majorité. Qui regardent sur quoi étaient leurs ancêtres. Que la vérité, c'est cela. Et qui regardent sur quoi se trouvent les gens forts et instruits et intelligents. Mais attention, un point, ces masaïls de Jahiliya sont présentes chez les gens de la Jahiliya. Ça ne veut pas dire que chaque personne de la Jahiliya avait tous ses points en lui. Non. Il pouvait avoir celui-là et pas celui-là, forcément. Mais ses points, de façon générale, étaient présents en eux. Après, peut-être de communauté en communauté, ça pouvait différer. Mais si tu trouves pas cette chouboîte-là, tu trouverais celle-là, alors, chez eux. Si tu trouvais pas cette chebouette-là, tu trouvais celle-là alors chez eux. Et ainsi de suite. Naam. Fabi del code naktafi wa nakul subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.